Un de tes proches atteint son final. Effet marquant, s'accroche à toi comme une pucelle. Joue pas avec elle, t'en as qu'une, tu regretteras. Vis ta vie telle qu'elle, ne plus craindre sa durée. Parfois pendant quelques secondes, je nage dans le bonheur. J'apprécie et je profite, ouais, jusqu'à saturer. Respirer le bonheur, c'est dur, par ici ça sent la mort. La vie fait mal, part trop vite et faut pas le temps de dire au revoir. Beaucoup de cœurs s'embrassent sur un coup de foudre, confondent l'amour avec la baisse. Beaucoup se blitzent, ce mariage est une foutaise. La vie fait mal, est une putain, elle en surprend putain. Te laissant chien sans putain, les anciens te le diront. Même pas le temps de dire ouf, ça peut tirer sur toi, sur ton petit ref. Fais gaffe à ce que tu es, cousin, la vie n'a pas de tarif. La vie fait mal, te rate pas à cause des blessures profondes. Alors tape tes rapports, fais ton plaisir jusqu'à la dernière seconde. La vie fait mal, elle t'arrange pas pour 10 dollars. Le silence vaut de l'or, vaut plus que la parole de 10 dollars. Mais dites-leur, tu pleures de l'intérieur car la vie fait mal. La vie fait mal, la vie fait mal. Elle t'arrange pas pour 10 dollars. Le silence vaut de l'or, vaut plus que la parole de 10 dollars. Mais dites-leur, tu pleures de l'intérieur car la vie fait mal. La vie fait mal. Il faut une arme pour faire un mort étendu. Vendu de l'euro, quart de gramme, le fil tendu. Un zéro, quart de gramme, moi j'ai ma descendance. Mais il faut une femme pour faire un môme, faire l'amour à la flamme de ma vie, sans capote, sans date. La vie me fait si mal que je déprime dans toutes mes crises. Je la décrise en dehors formol, puis dans l'alcool je la décrise. Encore une latte que je tire d'un mélange qui vient de ma main. M'enverra au firmament, y'aurait que la mort qui ferait souffrir ma main. Un très long soupir, je rends les armes assez savants sous peu. J'ai pris du temps comme un très long souper, l'état un gros suppôt. La vie un def, pour avoir le droit à ce paradis, je connais mes droits. Oui je conteste, oui je constate leur maladresse. Parler de la religion, écoute ces curés pédophiles qui n'ont comme but que le pognon. Mais t'es tu de Théophile, je pourrais vous voir de là où je suis. Et je ne cesse de m'émouvoir, de vous contempler, d'emblée plus désolé, y'a pas de mouchoir. La vie fait mal, elle t'arrange pas pour 10 dollars. Le silence vaut de l'or, vaut plus que la parole de 10 dollars. Mais dites-leur, tu pleures de l'intérieur car la vie fait mal. La vie fait mal, la vie fait mal. Elle t'arrange pas pour 10 dollars. Le silence vaut de l'or, vaut plus que la parole de 10 dollars. Mais dites-leur, tu pleures de l'intérieur car la vie fait mal. La vie fait mal. L'animal plus humain que l'homme et stop tout que je démarre. Notre misère dans le tiers monde n'est qu'un trou dans une Air Max. Vu la tournure des événements et des combles, la peine des gens croisera la paix le jour où la colombe aura des dents. Où le skin fera l'amour avec les hoods, je crois c'est fait. Même Hitler a Tel Aviv, je serai libre sans faire appel. J'ai une prière pour ceux qui se battent comme ils le peuvent. Créature du même Dieu que les victimes reposent en paix. On a mal combien d'attentes dans un coin que ça termine. Qu'y a-t-il de pire de voir sa fille devant ses yeux sauter dans une mine. L'atrocité est à l'image de l'homme, sa folie hôtel 5 étoiles à quelques mètres de la famille. La mienne me semble futile face à tous ces meurtres. Mais la vie me fait mal comme un frère qui me fait la gueule. À quoi bon croire en l'homme quand l'animal est plus humain. J'ai trop de cœur, j'ai peur de l'intérieur car la vie, la fait, vie mal. Fait mal. Elle t'arrange pas pour 10 dollars. Le silence vaut de l'or, vaut plus que la parole de 10 dollars. Mais dites-leur, je pleure de l'intérieur car la vie fait mal. La vie fait mal. La vie fait mal. Elle t'arrange pas pour 10 dollars. Le silence vaut de l'or, vaut plus que la parole de 10 dollars. Mais dites-leur, je pleure de l'intérieur car la vie fait mal. La vie fait mal. On vit comme on peut, on fait avec ce qu'on a. Ma vie c'est sauf qui peut, mais j'aurais pu être mieux à mon âge. On n'a plus le droit à l'erreur, surtout en tant que père. Car un jour tout se pète, tout se perd. En couille tout se part. Toi qui aimes traîner avec tes potes, surtout quand ça part en tous part. Parfois on me dit que je suis un mec génial. J'ai aimé trois femmes et je n'ai jamais pu leur offrir d'idéal. Oh maman, je te demande pardon si je t'avais obéi, si j'avais appris mes leçons. Pourquoi après tant d'années suis-je attiré par le béton? J'ai jamais voulu cette vie, celle qui m'attire vers le fond. Impossible de faire le vide quand l'avenir suit plus son cours. On connaît pas en attendant son tour. Y'a un proverbe qui dit qu'il n'est jamais trop tard. Il est temps de faire le point.